Thank you. moi le temps qu'il nous en faut pour le comprendre. Pendant que tu cogites, désolé, je peux pas t'attendre. Je manie les lettres mieux que maître Capello. Et rêve d'être un jour sacré maître à Capella. Tu vois le temps, moi je suis au-dessus, un œil sur toi. Quand tu dors la nuit, bah je me balade sur les toits et je nettoie les inconscients mais incognito. T'as l'esprit ouvert, bah moi j'y glisse un cogito, un Chomsky Coca pour mon ami au lieu de sa coco. T'as kiffé la morphine, écoute ça, coco, et vas-y, continue à kiffer quand je m'assigne, et v'là la lumière. Et si t'es du sud et assidu. Thank you. Thank you.